Et voilà, maintenant tu vas faire quoi? Tu vas tirer de l'argent? Non, déposer et déposer sur ce compte là. Tu vas faire un dépôt. C'est pas ici. Mais tu sais pas faire les dépôts ici. Ici c'est que les dépôts. Donne-moi l'enveloppe de Thank you.